Salut, assieds-toi là. On dirait que tu as peur de moi. Au fait, ce soir, je voudrais t'avouer que tu es la fille dont j'ai toujours rêvé. Désolé si j'ai pu t'offenser. Je ne sais pas ce qui peut faire le plus de mal entre mes mots ou mon sexe. Et puisque parfois tu es très lunatique, ce soir tu as mérité. J'aime quand tu te déhanches comme ça. Tu es la plus belle fille du monde. En secret, j'aimerais finir ma vie avec toi. Car tu es la seule, l'unique, qui m'ait apporté la joie.